France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'une enquête criminelle hors norme, l'affaire Élodie Kulik. Hors norme est une expression parfois galvaudée, histoire de rendre une info spectaculaire, mais là, nous sommes réellement en dehors des normes. Dans la nuit du 10 janvier 2002, Élodie Kulik, cette jeune directrice d'agence bancaire, disparaît dans le département de la Somme. Deux jours plus tard, son corps sans vie est retrouvé. Pas de témoins, mais deux preuves. Un ADN et un enregistrement audio, l'appel à l'aide désespéré d'Élodie aux pompiers où l'on entend la voix de ses tueurs. Grâce à ces éléments probants à première vue, les gendarmes pensent trouver les assassins d'Élodie très rapidement. Et pourtant, l'enquête piétine. Jackie Kulik, le père d'Élodie, lui ne baisse pas les bras et se bat pour que justice soit rendue. Il médiatise l'affaire et fait des retours de lui de nombreux soutiens. 10 ans après ce crime, un suspect est identifié grâce à l'ADN par parentèle, une technique utilisée pour la toute première fois en France. Retour sur l'une des affaires judiciaires les plus marquantes de notre époque. Nos invités aujourd'hui, Jackie Kulik, le père d'Élodie, et Catherine Siguré, écrivaine et journaliste, autrice de l'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père, publiée en 2022 aux presses de la Cité. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Mora, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnant, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jeudi 10 janvier 2002, 21h. Élodie Kulik dîne avec son ami Hervé au pavillon de Shanghai, un resto chinois de Saint-Quentin dans l'Aisne. Elle lui raconte son nouveau boulot. À 24 ans, elle est devenue directrice d'agence bancaire, la plus jeune de France. Tout semble lui réussir. Intelligente, élégante, rayonnante. C'est comme ça qu'on parle d'elle. Après le dîner, elle prend un thé chez Hervé. Oh, elle ne s'attarde pas, le lendemain elle travaille. Vers 23h35, elle prend la route. Ce soir-là, un épais brouillard s'est installé sur la campagne picarde. La route est gelée, par endroits, mais Élodie est toujours prudente. Et puis cette route de Saint-Quentin, jusqu'à Péronne, elle la connaît par cœur. Mais à quelques kilomètres de Péronne, le véhicule sort de la chaussée, fait un tonneau et atterrit dans un champ. Verglas, endormissement, queue de poisson, on ne sait pas. Élodie appelle les pompiers immédiatement. 26 secondes pendant lesquelles elle ne parle pas, mais crie d'effroi. Elle est complètement terrorisée. Derrière ces cris, en effet, on peut percevoir deux ou trois voix d'hommes assez calmes et posées qui se rapprochent de la jeune fille, puis plus rien. Maître Didier Robiquet, l'avocat de la famille Kulik, a écouté cet enregistrement. Il témoigne devant les caméras de France 2. Cette bande est glaçante et quand on l'écoute pour la première fois, c'est le sentiment d'effroi, c'est le sentiment d'horreur qui domine. On sent que cette fille ne voit pas venir des sauveteurs, mais qu'elle voit venir la mort. La communication est rompue. L'opératrice rappelle. Sans succès, le téléphone est éteint. Pendant la nuit, les automobilistes qui passent sur la départementale 44 sont intrigués par cette Peugeot 106 grise, abandonnée dans un champ. L'un des clignotants éclaire encore la nuit par intermittence. Ils sont nombreux à s'arrêter pour voir l'intérieur de la voiture. Mais elle est vide. Un sac à main sur le siège passager, c'est tout. Certains appellent la gendarmerie. Ça attendra le matin, répond la brigade de Péronne. Il y a d'autres urgences. Des automobilistes qui abandonnent leur véhicule, ça arrive. Le lendemain, quand les gendarmes se rendent sur le lieu de l'accident, ils trouvent rapidement le sac à main et l'identité de la conductrice, Élodie Kulik. Elle vient d'avoir 24 ans. On appelle l'agence bancaire qu'elle dirige, elle n'est pas là. Ses parents? Non, aucune nouvelle. Très vite, les gendarmes prennent l'affaire au sérieux et lancent une procédure pour disparition inquiétante. Samedi 12 janvier, un ouvrier agricole distingue une silhouette dans la décharge agricole où il apporte ses déchets. Il s'approche, pas de doute, c'est un corps, dénudé, calciné. Arrivé sur place, les gendarmes figent la scène. Ils identifient rapidement la victime. Ce meurtre est évoqué au JT de France 2. À Péronne, dans la Somme, la police enquête sur le viol et le meurtre de la directrice d'une banque, une jeune femme de 24 ans qui venait d'arriver dans la commune. Son corps calciné a été retrouvé dans un champ. Élodie Kulig vient d'une famille déjà frappée par le malheur. En 1976, le 27 décembre, la voiture familiale file dans la campagne en pleine nuit. Dans un épais brouillard, sur une plaque de verglas, Jackie perd le contrôle du véhicule. C'est l'accident. Les deux jeunes enfants sont projetés contre le pare-brise, tués sur le coup. Marie-Rose, blessée mais vivante, sort leur corps du véhicule. Karine avait 7 ans, Laurent 6. Jackie, lui, est inconscient. Il passe 23 jours dans le coma. Lorsqu'il se réveille, ses enfants sont enterrés. La vie du jeune couple est détruite. Mais au lieu de les diviser, ce qui aurait pu arriver, la douleur et le chagrin les soudent. Tous les deux postiers, ils s'installent à Monchy-Lagage, dans la Somme. Élodie née en 77, Fabien en 79. Une fille, un garçon, une nouvelle fois, pour une nouvelle vie. Mais en ce 11 janvier 2002, le monde s'écroule à nouveau. Leur fille a été violée, étranglée et brûlée. Alors ils veulent savoir, mais qui a fait ça? Le 1er février, Éric Valmire fait le point sur l'enquête pour France Inter. La thèse d'un crime commis par une ou plusieurs personnes de la région retient désormais l'attention. Le parquet disposerait de 2 empreintes génétiques trouvées sur le corps de la victime et dans un préservatif usagé, plus un enregistrement sonore de 30 secondes. Élodie a eu le réflexe de composer le 18, le numéro des pompiers. On entendait ce qui s'apparentait à des bruits de lutte, plusieurs voix d'hommes, un accent picard prononcé. L'examen de la voiture d'Élodie accidentée devrait confirmer ou non si elle a été percutée par un autre véhicule et si les agresseurs l'ont extirpée de son auto pour l'emmener plus loin. Un tel scénario laisse forcément des traces dans l'habitacle, des indices. Et dans les villages avoisinants, on ne parle plus que de ça avec une certitude. Les meurtriers ne vont pas courir très longtemps. Voilà pour l'épreuve, l'enregistrement d'appel au secours et un ADN. Les analyses confirment que celui retrouvé dans le corps d'Élodie est le même que celui du préservatif usagé. Bien, mais à l'époque, en 2002, le fichier des empreintes génétiques ne comprend que quelques milliers de noms. Et cet ADN ne correspond à personne. 6 mois plus tard, le 6 juillet 2002, Patricia Leclerc rentre à vélo sur la route départementale qui mène à Albert dans la Somme. Le lendemain, son vélo abandonné est signalé par des automobilistes. La gendarmerie se rend sur place. Aucune trace de la jeune fille de 19 ans. Une nouvelle fois, le scénario d'une jeune femme agressée sur une route semble se dessiner. Tout cela à 25 km seulement du lieu du meurtre d'Élodie Kulig. 2 jours plus tard, le corps de Patricia est retrouvé dans un champ à l'écart de la route à Ville-sur-Ancre. Son pantalon est tiré vers le bas, mais son corps n'a pas été calciné. France 3 interroge les habitants qui font évidemment un parallèle avec l'affaire Kulig. Dans le scénario qui s'est déroulé là ici, moi j'ai tout de suite pensé à la même chose que Élodie Kulig, parce que bon, on laisse un véhicule ou un vélo et puis on ne trouve pas de corps. Et on retrouve un corps 2 jours après dans un autre endroit, c'est quand même bizarre. C'est là, c'est tout proche, ça peut arriver à nos gamins, à notre femme, on va même plus oser sortir si ça continue à ce tarif-là. La découverte de Patricia met en émoi toute la région. Les gendarmes cherchent désespérément un ADN sur la scène du nouveau crime. Alors ils convoquent tous les délinquants et criminels sexuels pour les interroger sur leur emploi du temps. L'un d'entre eux, Jean-Paul Lecomte, est entendu 9 jours après le meurtre de Patricia. C'est un violeur qui vient de sortir de prison. Au gendarme qui lui demande s'il se pliera à un prélèvement ADN, il leur répond « Mais aucun problème, vous m'appelez, je viens tout de suite ». Nous reparlerons de ce Jean-Paul Lecomte. 20 juillet 2002, Marie-Rose Kulig, la mère d'Élodie, n'en peut plus. Désespérée de voir une enquête qui n'aboutit pas, elle ne supporte plus de vivre. Elle ingurgite de la mort aura. Transportée en urgence à l'hôpital, sa vie est sauve, mais elle est plongée dans le coma. Elle y restera 9 ans. Le malheur se poursuit pour Jackie et son fils Fabien. 21 août 2002, la série noire dans la Somme continue. On découvre un troisième corps dans un fourgon volé à Villers-Bretonneux, tout près des 2 premières scènes de crime. Et cette fois, c'est une jeune fille de 18 ans. Elle s'appelle Christelle Dubuisson. Ce troisième meurtre fait la une des JT. Le corps d'une jeune femme a été découvert tôt ce matin sous une camionnette dans le village de Villers-Bretonneux dans la Somme. Pour les enquêteurs, il ne peut pas s'agir d'un accident. Cette mort suspecte relance l'inquiétude dans ce département où depuis le début de l'année, deux femmes ont été violées et tuées dans des conditions atroces. C'est la troisième jeune femme découverte assassinée en moins de 6 mois. La région est terrorisée. Les femmes ne se déplacent plus seules. Les automobilistes paniquent si une voiture les colle d'un peu trop près ou pour un simple appel de phare. Pour Maître Robiquet, l'avocat d'Élodie Kulik, il est peu probable que ces trois crimes soient le fait de meurtriers différents. Tout s'est déroulé dans un triangle de 30 km², dans un secteur habituellement calme. Tout laisse à penser que c'est un tueur en série qui agit dans la région. Ou peut-être même une bande de serial killers. Le journaliste Georges Charrière témoigne de cette atmosphère des années plus tard, dans 13h15 le samedi sur France 2. On ne peut pas ne pas se poser la question d'un tueur en série. Un tueur en série, c'est 3. Et là, les gendarmes vont mettre un dispositif phénoménal en place. C'est-à-dire dans le secteur où ces filles ont été tuées, on ne fait pas un kilomètre sans tomber sur une patrouille de gendarmerie. Tout le nord du département de la Somme est quadrillé par des gendarmes et des militaires. Un hélicoptère scrute la zone. Des moyens énormes sont déployés pour retrouver le ou les tueurs et rassurer la population. Le nouveau ministre de l'Intérieur s'appelle Nicolas Sarkozy. Il veut des résultats, et vite. Les gendarmes ont trouvé un ADN sur un sous-vêtement de Patricia Leclerc, la deuxième victime. Ils convoquent donc tous les suspects pour un prélèvement. 4 septembre, ministère de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy reçoit les familles des 3 victimes, Élodie Kulik, Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson. France 3 filme la rencontre. Durant près d'une heure cet après-midi, les familles des victimes ont écouté Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, qui a voulu les rassurer sur les moyens mis à disposition de l'enquête. Des moyens qui vont être renforcés, a-t-il promis. 36 gendarmes supplémentaires vont venir épauler leurs 50 collègues déjà en place, lesquels ne sont pas au bout de leur peine. Oui, l'enquête se complique pour les gendarmes, car l'ADN retrouvé sur la scène de crime d'Élodie Kulik n'est pas le même que celui retrouvé sur les sous-vêtements de Patricia Leclerc. Cela n'exclut pas la thèse d'une bande de tueurs-violeurs, mais les meurtres ne sont peut-être pas liés. 22 novembre, un ADN match, celui de Jean-Paul Lecomte, l'homme qui s'était présenté de bonne volonté à la gendarmerie alors qu'il avait déjà tué Patricia Leclerc. Son ADN et celui retrouvé sur le sous-vêtement de la victime. Les gendarmes cherchent alors à savoir ce qu'il faisait le soir du meurtre d'Élodie Kulik. Jean-Paul Lecomte a un alibi en béton, c'est qu'à le lire. Il était en prison et il n'avait pas de permission. En 2007 et 2008, Jean-Paul Lecomte est condamné 2 fois à la perpétuité pour les meurtres de Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson. Jacques Kulik assiste à certaines de ses audiences. Mais les meurtriers de sa fille, Élodie, sont toujours introuvables, plus de 6 ans après le crime. Le ciel ne connaît pas le vent. Qui le traverse, il ne sent rien. Quand soudain le vent prend des airs suppliants, il ne sent pas le mouvement. Des nuages conduits peut-être pas d'âge, il en sait moins que nous, pourtant. Des draps lourds battus, un orage passé, nous déchiffrons tout, puis sommes emportés. Le ciel ne l'appel du ventre effrayant. Mai 2009, les gendarmes sont toujours à la recherche des meurtriers d'Elodie. Jacques Kulik, lui, s'occupe depuis 7 ans de sa femme qui est plongée dans le coma après sa tentative de suicide. Sur France 3, il témoigne. Je sais que mon épouse, même si elle ne comprend pas, elle m'entend. Et je pense qu'un jour, j'aurai le plaisir de lui annoncer qu'on les a trouvés, qu'on les a enfin trouvés. Et là, bah écoutez, ça nous soulagera tous les deux. Pour le père d'Elodie, le calvaire continue, mais il n'abandonne pas le combat parce qu'il a espoir dans l'ADN. Année après année, Jacques passe son temps entre le chevet de sa femme, dans le coma, les visites au procureur, à son avocat, mais aussi à ses nombreuses rencontres et marches blanches auxquelles il participe avec d'autres familles de victimes. Côté gendarmerie, différentes hypothèses sont envisagées, comme l'explique le gendarme Emmanuel Famoaï en 2010 dans le magazine 13h15 le samedi sur France 2. Ça fait quand même 8 ans. Donc, on peut tout imaginer. Secret de famille, des copains liés par un pacte du silence, des gens qui sont décédés depuis, tout est possible. C'est un crime imparfait, avec des traces, avec certaines marques de précipitation éventuelles. Donc, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui interroge un enquêteur, le fait que ce soit pas un crime parfait et pourtant qu'on n'arrive pas à le résoudre? C'est pas un paradoxe? Mais justement, on parle du côté mystérieux. Moi, je pense que tout ça vient rajouter à ce côté mystérieux. C'est une des hypothèses d'enquête, évidemment, ce que vous évoquiez. Et on se dit, mais justement, puisque ce ne sont pas des gens aguerris, pourquoi on n'y arrive pas? En 8 ans d'enquête, tous les moyens ont été déployés pour rechercher les meurtriers d'Elodie. L'enregistrement de l'appel téléphonique aux pompiers a été analysé par de nombreux spécialistes. Les gendarmes ont exploré 600 pistes, interrogé 10 000 personnes, réalisé 5 000 prélèvements ADN. Et tout cela sans succès, parce qu'aucun ne correspond avec celui retrouvé sur la scène de crime. Pourtant, depuis 2002, le fichier national automatisé des empreintes génétiques est passé de 5 000 personnes à plus d'un million fichés. Le gendarme Emmanuel Famoaï a alors une idée. Pourquoi ne pas faire une identification par parentèle? Il s'agit de voir si l'ADN proche, celui d'un parent, d'un frère, d'une sœur, est inscrit au fichier. Aux États-Unis, cette technique a permis l'identification en 2010 d'un tueur surnommé le Grim Sleeper, auquel nous avons consacré un épisode d'Affaires Sensibles. En France, la technique n'a jamais été utilisée. Elle n'est pas encadrée par la loi. Emmanuel Famoaï, le gendarme, demande donc l'autorisation à la justice pour l'utiliser. Mais tout cela prend du temps. Et pendant ce temps, Jacques Kulik poursuit son combat pour la mémoire de sa fille, mais il doit faire face à une nouvelle épreuve. Sa femme, Marie-Rose, toujours dans le coma, a développé un cancer. Le 10 juillet 2011, elle s'éteint dans ses bras, 9 ans après sa tentative de suicide. Jacques est dévasté. Cet homme, rendez-vous compte, a perdu 3 enfants, maintenant il perd sa femme. Au cimetière de Lens Nord, devant le caveau familial, Jacques réitère l'engagement pris auprès de son épouse. Il va rendre justice à Elodie. En novembre 2011, l'autorisation est donnée pour utiliser une recherche d'ADN par parentèle. Et là, le gène va peut-être parler. Huit janvier 2012, Péronne. 10 ans après la disparition d'Elodie, une marche blanche est organisée en sa mémoire. Des centaines de personnes déambulent dans les rues de la ville, une rose blanche à la main. En tête de cortège, le portrait d'Elodie est porté par des amis proches de Jacques. Toute la ville est venue apporter son soutien à Jacques et Fabien, le père et le frère d'Elodie. Dans la foule, il y a des proches, bien sûr, mais aussi des anonymes qui ont eu connaissance de cet hommage dans le courrier Picard ou sur la page Facebook intitulée « Que justice soit faite pour Elodie ». Un reportage au JT de France 2. Seul devant la foule, c'est un père brisé par le chagrin. Difficile pour Jacques Kulik de retenir ses larmes. 10 ans que sa fille Elodie a été tuée. 10 années de combat pour tenter de retrouver les assassins. Ce qui me fait tenir, c'est le fait de les avoir un jour, de savoir qui ils étaient, pourquoi ils ont fait. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Aujourd'hui, les gendarmes n'ont pas renoncé. Ils continuent d'enquêter. Et pour les proches de la jeune femme, même 10 ans après, l'émotion est toujours aussi vive. Jacquet explique alors les dernières avancées de l'enquête. En réalité, après 10 ans, il n'y a toujours pas de suspect. Mais il a rendez-vous dans 4 jours avec le juge. Un rendez-vous inhabituel. Il n'en sait pas plus. 16 janvier 2012, Amiens. Jacky Kulik arrive devant le palais de justice pour son rendez-vous avec le juge. Quart de télé, journalistes attendent. Jacky est stupéfait, que se passe-t-il? Il demande à son avocat qui lui répond calmement « Le juge a des choses à vous dire ». Arrivé dans le bureau du juge Jordan Duquesne, la sentence tombe. « J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise, monsieur Kulik. La bonne, c'est que nous savons qui est l'un des agresseurs de votre fille. La mauvaise, c'est qu'il est mort ». Le juge lui explique comment ils ont remonté la piste d'un certain Grégory Viard. Grâce à l'ADN de parentèle, ils ont identifié un homme fiché, Patrick Viard, le père de Grégory, le violeur. Ils ont ensuite vérifié l'ADN de la mère de Grégory. Il correspondait bien à celui du jeune homme, 24 ans à l'époque des faits. Problème, l'homme est mort dans un accident de la route un peu plus d'1 an après le meurtre d'Elodie. Jacky est sous le choc. Il appelle des proches avant de se rendre au cimetière où repose son épouse. Il avait fait la promesse à sa femme de retrouver les agresseurs de sa fille. Il tient à lui annoncer. Et le 17 janvier, il réagit sur France Bleu Picardie. Ma réaction, vous l'imaginez bien, ça a été une grande joie. J'appellerais ça une joie parce que ça fait 10 ans que j'attends qu'on me dise qu'enfin on a mis un nom sur l'ADN. Comme quoi, voyez-vous, j'avais raison de croire au travail de fourmis qu'ont fait les enquêteurs. J'avais raison aussi de croire à notre juge d'instruction qui, lui, s'est mouillé, hein, pour dire d'arriver à un résultat. J'ai toujours pensé que l'ADN parlerait d'une façon ou d'une autre. Et là, voyez-vous, c'est une nouvelle technique qui a été mise au point récemment aux États-Unis et qui a porté ses fruits très rapidement. Pour les gendarmes, la deuxième phase de l'enquête débute. Grégory Viard est mort, il faut trouver son ou ses complices. Il y a l'appel téléphonique d'Elodie qui prouve qu'ils étaient 2, au moins 2, peut-être 3. Très vite, les enquêteurs identifient un suspect parmi l'entourage de Grégory Viard, un certain Willy Bardon, l'un des meilleurs amis de Viard. Grégory le considérait même comme un dieu, au dire de certains. Mais Willy n'a pas de casier judiciaire, et surtout, les gendarmes n'ont aucune preuve contre lui. Pas d'ADN, pas de témoin. Il reste seulement l'enregistrement téléphonique de 26 secondes avec les cris d'Elodie, la voix de 2 ou 3 hommes. Alors les enquêteurs ont l'idée d'interpeller Willy Bardon et ses proches. Les gendarmes veulent placer tous ces gens en garde à vue au même moment pour leur faire écouter l'enregistrement. 16 janvier 2013, les gendarmes interpellent Willy Bardon et 6 de ses proches. À Amiens, ils sont interrogés pendant 48 heures sur leur relation avec Grégory Viard. Et on leur fait écouter l'enregistrement de l'appel aux pompiers. Plusieurs d'entre eux reconnaissent à la fois Grégory Viard et Willy Bardon. Quand les gendarmes font écouter l'appel d'Elodie aux pompiers à Bardon, ils s'exclament « Mais c'est ma voix !» avant de vite se reprendre et de dire « Ça ressemble à ma voix !» À l'issue de la garde à vue, il est mis en examen et incarcéré. Le procureur de la République d'Amiens, Bernard Faret, s'explique en conférence de presse. 5 personnes proches de la personne mise en examen ce jour ont reconnu sa voix. La personne déférée a varié dans ses déclarations, admettant à un moment donné que la voix se trouvant sur la bande sonore était la sienne, puis disant que ladite voix, en réalité, ressemblait uniquement à la sienne. L'intéressé nie toute participation dans les faits qui lui sont reprochés. 19 mars 2014, la justice organise une reconstitution sur le lieu du crime. Willy Bardon, extrait de sa cellule, est emmené par les gendarmes sur la décharge agricole où le corps d'Elodie a été retrouvé. Jacky et Fabien Kulik sont présents. Ils espèrent pouvoir récolter au moins une version de ce qui s'est passé la nuit du crime. Mais Willy Bardon déclare ne pas connaître le lieu. Il reste muet et ne lâche pas un regard vers la famille Kulik. Un mois plus tard, c'est le coup de massue pour le père d'Elodie. Il apprend que Willy Bardon est remis en liberté sous surveillance électronique. Ses avocats sont des experts de la procédure pénale et ils remettent en cause la seule preuve, l'enregistrement vocal. Selon une expertise, rien n'indique en effet que c'est la voix de leur client. Et il n'y a ni aveu, ni ADN. Mais après plus de 5 ans d'instruction et de recours judiciaires, Jackie Kulik peut écrire sur sa page Facebook « Le procès se tiendra du 21 novembre au 6 décembre 2019 ». La nouvelle est accueillie avec soulagement par tous ses proches et ses soutiens. 17 ans après le meurtre d'Élodie, Willy Bardon, seul accusé, va devoir s'expliquer devant un tribunal. 21 novembre 2019, cour d'assises d'Amiens. C'est un procès historique qui s'ouvre. La salle n'est pas perdue et noire de monde. 12 000 pièces de procédure forment un mur multicolore. C'est 4 fois plus que dans un procès normal. Et 80 journalistes sont accrédités. Dans la salle d'audience, beaucoup de proches sont venus soutenir Jackie Kulik, qui se bat sans relâche depuis 17 ans. Ce n'est plus un anonyme maintenant, mais un personnage public et médiatique. Il a assisté à de nombreux autres procès pour soutenir d'autres familles de victimes. Mais ce jour-là, c'est son procès, son affaire, son histoire. Il tient un portrait de sa fille vêtue d'une robe blanche. Compte rendu d'audience de Corinne Audouin pour France Inter. L'accusé, lui, est entré par une porte dérobée. Il ne veut pas qu'on le photographie. Willy Bardon, vêtu de noir, crâne dégarni, comparé libre. Cet ancien plombier était le meilleur ami de Grégory Viard, dont l'ADN a été retrouvé sur la scène du crime. Mais Grégory Viard est mort et Willy Bardon clame son innocence. Son avocat, Marc Bailly. Il n'y a pas de preuves matérielles scientifiques. Et c'est pour ça qu'on a à cœur que ce procès commence, pour pouvoir enfin dire les choses telles qu'elles sont. La matinée a été consacrée au rappel des faits. D'une voix sonore, Willy Bardon a seulement prononcé quelques mots. Né il y a 45 ans, à Saint-Quentin, sans profession, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Place à l'examen de personnalité de l'accusé, décrit par certains comme un bon père et un ami serviable, et par d'autres comme une grande gueule, fan de 4x4 et de beuverie. Son ex-femme raconte comment il a mené une double vie pendant des années. Une autre femme explique avoir été suivie par lui en voiture et qu'il prenait un malin plaisir à la terroriser. 27 novembre 2019, moment capital du procès. C'est le jour de l'écoute de l'appel téléphonique d'Élodie. La cour écoute 3 fois cet appel au secours de 26 secondes. La jeune femme, rappelons-le, ne parle pas. Elle pousse des cris, des froids, une vingtaine, entrecoupée des halos de l'opératrice des pompiers qui reçoit son appel. À ce moment précis, certaines personnes quittent la salle. On peut percevoir également 2 voix d'hommes, très calmes, qui contrastent tellement avec l'effroi d'Élodie. Mais l'enregistrement, qui n'est pas de bonne qualité, ne laisse pas entendre distinctement ce qui est dit. À la barre, les experts ne sont sûrs de rien. Ils ne peuvent pas affirmer que c'est la voix de Willy Bardon, mais ils ne peuvent pas l'exclure non plus. Les 2 avocats généraux, il y en a parfois 2 dans les affaires compliquées, demandent 30 ans de prison pour enlèvement et séquestration suivie de mort, mais l'acquittement pour le viol et le meurtre. Avant la délibération du jury, Willy Bardon s'adresse à la cour, la voix pleine d'émotion. « Je peux comprendre la douleur de M. Kulik, mais je suis innocent, je vous le jure, je n'y étais pas. » Jackie Kulik ne lui lâche pas un seul regard. Vendredi 6 décembre. La cour prononce son verdict. Elle va plus loin que la réquisition des 2 avocats généraux. Elle retient le viol en plus de l'enlèvement et de la séquestration suivie de mort. Willy Bardon est condamné à 30 ans de prison. Après l'énoncé du verdict, le condamné prend une gélule dans sa poche, la met à sa bouche et boit une gorgée d'eau. Il s'écroule peu après. C'est une tentative de suicide. Il a ingéré un puissant pesticide, véritable poison pour l'homme. Il est très vite amené en réanimation. Sa vie n'est plus en danger. Corinne Audouin raconte cette fin de procès agitée. Décidément, rien n'aura été ordinaire dans l'affaire Kulik. Un crime atroce, un ADN qui parle, 10 ans après les faits. Un homme, Willy Bardon, incriminé par sa voix et qui nie toute participation pour finir par ce geste fou dans le box des accusés alors que la famille d'Élodie Kulik pleurait de soulagement. Didier Seban est l'avocat du père et du frère d'Élodie. Le drame de la cour d'assises, c'est qu'au fond, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il y a une décision qui frappe un homme, une décision qui rassure une famille, qui donne du sens à son combat. Et il y a une décision de justice qui considère Willy Bardon comme coupable. Du côté de la défense, les trois valeureux avocats de Willy Bardon sont abasourdis. Ils ont tout tenté pour instiller le doute chez les jurés. Ils ne comprennent pas le verdict rendu par la cour d'assises. Gabriel Duménil. Dans ce dossier-là, condamné pour le viol et acquitté pour le meurtre, ça n'a pas de sens. Ce qui est certain, c'est que la passion, les souffrances qui sont légitimes ont pris le pas sur la raison et sur le droit. C'est la raison pour laquelle nous allons évidemment interjeter appel. Willy Bardon en effet fait appel. Il y aura donc un deuxième procès. Le 7 juillet 2021, une nouvelle fois, il est condamné à 30 ans de prison et cette fois condamné pour l'enlèvement, la séquestration, le viol, mais aussi le meurtre d'Élodie Kulik, la totale. Jackie Kulik s'exprime devant les micros et les caméras. Ça va faire près de 20 ans que j'attendais. Le résultat me satisfait, même si j'aurais préféré ne jamais être là. Vous comprenez? Mais maintenant, ça sera à lui de payer, parce que les quelques années de détention qu'il fera me ramèneront jamais ma fille. Ça, je peux pas l'oublier. L'affaire Élodie Kulik fait partie des faits divers qui ont marqué l'histoire judiciaire. 19 ans d'enquête, 20 000 pièces de procédure, 600 hypothèses, 10 000 personnes interrogées. C'est la première affaire qui a eu recours également à la recherche d'ADN par parentèle en France, une technique désormais inscrite dans la loi. Oui, une affaire hors norme. L'affaire Élodie Kulik, enfin et avant tout. C'est l'histoire du combat d'un père, Jackie, qui a perdu sa femme et ses trois enfants, et qui, aux côtés de son fils Fabien, a su garder intacte sa foi dans la justice française. France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Élodie Kulik. Nos invités, Jacky Kulik, le père d'Élodie. Bonjour. Bonjour, monsieur Drouel. Et Catherine Siguret, écrivaine et journaliste, autrice de l'affaire Élodie Kulik ou Le combat d'un père, publié en 2022 aux presses de la Cité. Bonjour. Bonjour. Une première question personnelle, Jacky Kulik. Après, j'arrêterai avec ça. On ira dans le dossier. On parle beaucoup de résilience depuis quelques années. C'est un mot très à la mode. Vous en êtes une illustration incroyable. Où êtes-vous allé chercher ces ressources morales pour ne jamais baisser les bras? Écoutez, je suis un homme ordinaire, vous savez, en définitive, pas du tout un héros. J'ai été durement frappé, on peut pas dire moins, et j'ai fait du restant de ma vie un combat. Et j'ai voulu gagner, j'ai gagné. Ça me rapporte pas grand-chose, je vous l'ai dit. Ma fille n'est plus là, ma femme n'est plus là non plus. Mais j'ai pour moi la satisfaction d'avoir mené à bien ce combat, j'avais promis. Et je suis arrivé à faire ce que je voulais faire, ce que je devais faire, mon devoir. Et Fabien, votre fils, hein, comment le vit-il, lui aussi? Ben Fabien est beaucoup plus renfermé, vous savez. Bon, je suis très, très, très content pour lui qu'il ait trouvé... dans la Drôme, une jeune femme qui m'a donné deux petits-enfants et avec laquelle il est très très bien. Bon. Pour moi, c'est essentiel. Maintenant, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Il en a besoin. Ouais, bien sûr. Et vous avez rencontré Catherine Siguret, ou Catherine Siguret a rencontré votre histoire. Catherine Siguret, racontez-nous la jeunesse de ce livre et de votre implication journalistique dans cette affaire. Et humaine, j'imagine, parce que la fameuse distance entre le journaliste et son sujet, c'est un mythe. On ne peut pas parler d'une affaire comme ça avec distance, c'est pas possible. On est un peu hanté par ça, et vous encore plus, écrit un livre. Oui, j'allais vous dire, oui, moi, je fais aucune différence effectivement entre le journalisme et l'humanité, puisque moi, ce qui me porte, c'est vraiment l'envie de communiquer une parole et de tendre la main, le stylo, le micro à des gens qui je donne une tribune, parce que j'estime non pas que des faits mérite d'être porté à la connaissance, mais plutôt une attitude vis-à-vis des faits. C'est-à-dire que moi, j'ai appelé Jacky il y a déjà de nombreuses années pour l'interviewer, et puis je lui ai proposé de faire un livre quand il y a eu le second procès et qu'on a commencé à voir, je dirais, le bout du tunnel. Et pour moi, c'était important parce qu'il y a une histoire, il y a effectivement tout ce que vous avez souligné, l'ADN, les innovations, la formidable mobilisation de la justice, des enquêteurs, etc. Mais il y a aussi cette force d'un homme qui fait que ce soit ce combat-là qu'on a amené, ou d'autres combats dans la vie, notamment des combats sociaux aujourd'hui où les conditions de vie des gens sont pas évidentes, je trouve qu'il donne une force qui est géniale et qui peut servir à tout le monde dans n'importe quelle circonstance et dans n'importe quel domaine. Alors, il y a un deuxième chapitre qui s'intitule « Pas eux ». Eux, ce sont la famille Kulik, une famille déjà tellement marquée par les drames. Moi, j'ai vu dans ce titre, mais pas eux, quoi. C'est trop. C'est ça que vous voulez dire? C'est exactement ça. C'est la réaction du village, le hasard terrible. Enfin, c'est vraiment ce qui fait de cette histoire une tragédie, mais quasiment à l'antique. C'est-à-dire qu'on aurait pu écrire. C'est-à-dire que Élodie, les souvenirs de bonheur, c'est les souvenirs qu'elle a de son enfance. Et en fait, elle va diriger une banque dans sa région d'enfance. Et en fait, quand les Kulik sont arrivés dans la région, évidemment, ils étaient précédés de leur histoire où tout le monde disait, bon, ne leur en parlez pas, mais ils viennent de perdre deux enfants, etc. Et c'est juste à côté qu'Élodie meurt. Et c'est dans ce village, donc quand le village apprend l'identité de la victime retrouvée près de chez eux, ils se disent, c'est pas possible. Alors que Jacky et son épouse ont déménagé, et ils se disent, pas eux, c'est pas possible. Parce qu'effectivement, il y a comme un acharnement épouvantable, quoi. Ouais. Absolument. Jacky Kulik, oui. Est-ce que vous avez le sentiment que les gendarmes, souvent on dit dans les enquêtes, oui, mais l'enquête était malmenée, vous avez le sentiment que les gendarmes, les enquêteurs ont bien fait leur travail? Oh, ils ont fait un travail remarquable. Moi, je ne peux pas critiquer le travail qui a été fait. Vous souligneriez tout à l'heure le nombre de pièces qu'il y a au dossier. Bien sûr. Bon, vous savez, ils sont allés écouter, ils sont allés même surveiller les écoles. Le lendemain, parce qu'il y avait soi-disant une voix qui pouvait être une voix enfantine, et on s'était demandé si un enfant ayant été témoin de ce qui s'était passé, aurait pu être absent le lundi à l'école. Oui. Et donc, ils sont allés jusque-là. Vous savez, ils ont fait véritablement un travail exemplaire. Bon, ce qu'il a regretté, bon, c'est le travail d'une certaine brigade. Hein. Il y a une brigade qui était acquise à la cause Bardon, vraisemblablement. Hein. Je sais pas pourquoi. Pourquoi, oui, ça paraît. Ouais. Bon, bah, je pense le savoir, mais c'est pas à moi de le révéler. Et si cette brigade avait fait correctement son travail, Grégory Viard, à l'époque, aurait parlé. Ouais. Et aurait été vivant, et on aurait pu savoir. Mais à l'époque, le Willy Bardon, comment dirais-je, avait des protections au niveau de la brigade. Bon, il se vantait, moi je me rappelle, lorsque vous avez parlé d'une reconstitution, c'était pas une reconstitution, c'était une mise en situation plus exactement, hein, parce que, bon, lorsque vous avez parlé de la mise en situation, Willy Bardon, se vantait d'aller rencontrer les gendarmes en leur apportant des croissants le matin. Ouais. Allez penser ce que vous voulez, mais bon, vous savez, dans toute profession, il y a des bons et des moins bons. Et... Mais l'ensemble des gendarmes apparaît quand même avoir fait bien son travail. Ils avaient de l'empathie avec vous. Ah, tout à fait, tout à fait. De l'humanité, comment ça se passait? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Même au niveau des juges, ah oui, aucun problème, hein, aucun problème. Non, non. Bien pris en compte la victime. Ah, quoi, parce que vous êtes la victime. Victime. Oui. J'ai tenu au fait du passage de Nicolas Sarkozy. Hein. C'était le premier à reconnaître de certains droits aux victimes, et je me rappelle qu'à l'époque, ils nous recevaient tous les 6 mois. Mmh. Hein, donc, j'ai dit, il y avait vraiment de l'empathie, et on sentait qu'ils voulaient venir au bout. Et ça compte, j'imagine, ça compte dans votre parcours. Quand je l'ai rencontré, Nicolas Sarkozy, la première chose qu'il m'a dit, écoutez, M. Kulik, je vous les donnerai. Je dis, Sarkozy, vous êtes bien gentil, mais non, vous avez compris, je vous les trouverai. Mmh. Mmh. Catherine Siguré, votre regard sur le travail de la gendarmerie, des enquêteurs? Justement, je crois que la force de Jackie, ça a toujours été de savoir se servir de l'institutionnel sans casser les codes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a l'avocat et toutes les premières personnes. J'ai interviewé tous les protagonistes en fait de l'affaire, donc au fil de 20 ans d'histoire et d'enquête. Et tous me disaient que quand Jackie est arrivé, il connaissait pas les codes, ils savaient pas comment ça marche. Et c'est évident qu'on a envie de s'énerver, qu'on connaît pas les délais, qu'on ne comprend pas les procédures, qu'on comprend pas qu'il y a des règles. Et je crois que toute la force de Jackie, et c'est pour ça qu'il a réussi à mobiliser autour de lui tous les pouvoirs publics, c'est qu'il a appris, en fait, et je pense vraiment que tout citoyen doit apprendre que tout est possible à condition de suivre les guides, quoi. Ouais. Mais alors, faut pas lâcher. Ça veut pas dire que les institutions fonctionnent parfaitement bien quand on s'en occupe. Il faut mettre la pression, mais dans les règles. Et c'est ça qu'il a su faire, quoi. Et je trouve que c'est un talent citoyen absolument génial, quoi. Bien, on se retrouve dans 3 minutes, voire un peu moins, après Wise Blood, Great Wine. If a man can't see his shadow, your sun all day. He can make you small. He has the power to take his love away. 6 hours on the grapevine. I feel kidnapped this time. My baby thinks he always believes that he's always right, but I still think of him at night. France Inter. Affaires sensibles. Jacques Kulik et Catherine Siguré. Rappelons qu'au départ, c'est une affaire que tout le monde pense résoudre assez rapidement. Après tout, il y a quand même deux éléments importants. Il y a un ADN, et puis il y a ce fameux enregistrement téléphonique. Et puis l'enquête n'avance pas, parce que finalement, c'est pas si simple. Et il y a les meurtres de Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson dans le même département. Donc j'imagine, vous avez pensé, vous, Jacques Kulik, à un tueur en série. Et vous avez dû vous dire, si on chope, si on met la main sur ce tueur en série, ça résoudra le mystère du crime de ma fille. Ouais. Vous avez pensé ça? J'ai pensé, oui. Et puis ça arrive donc ce Jean-Paul Lecomte qui effectivement a tué Patricia Leclerc et qui n'a pas tué votre fille. Et là, qu'est-ce que vous ressentez? Bah écoutez, au départ, je suis beaucoup déçu, parce que comme tout le monde, comme toute la population en Picardie, je pensais qu'on avait véritablement eu affaire à un tueur en série. Bon, maintenant, les preuves étaient là. Didier Robiquet, mon avocat, m'a prévenu immédiatement. Il me dit, écoutez, M. Kulik, non, ça peut pas être le compte. Hein. J'ai fait le nécessaire auprès des greffes, un peu partout. Le compte était en prison, donc... Faut se rendre à l'évidence. Et puis j'avais Georges Charrière, le journaliste, qui lui aussi me disait ne pas penser que c'était le compte, vous voyez. Il me disait c'est pas la même technique de crime. Donc bon, écoutez, faut se rendre à l'évidence, hein. C'est pas lui. Il faut continuer. On a un ADN. Je vous dis, moi l'ADN dès le départ, je m'étais branché sur l'ADN. Et puis je m'étais dit, je regardais tout ce qui était fait autour de l'ADN et j'avais appris que même les Anglais disaient que bientôt on pourrait, à partir d'un ADN, tracer un portrait robot. Oui. Vous voyez. Bon, pour vous dire, maintenant, vous parliez tout à l'heure, avant l'émission, on parlait d'ADN. Maintenant, l'ADN par odeur, ça existe chez l'homme. C'est-à-dire que l'odeur que vous... On peut filtrer. Donc, bon, maintenant... Maintenant, le crime parfait n'existera plus. Il serait facile de prélever un ADN à la naissance. Mais bon, ça, on ne sait pas pourquoi personne n'en veut. Enfin, certaines personnes n'en veulent pas, du moins. Mais bon, j'ai toujours pensé que l'ADN prélevé dès la naissance faciliterait énormément les recherches. Et entre parenthèses, vous parliez des journalistes, on parlait des gendarmes tout à l'heure. Les journalistes ont pour vous un rôle positif dans cette affaire? Tout à fait. Ils ont toujours été à mes côtés, aussi bien presse écrite, radio, télévision. J'ai eu aucun problème, bien au contraire. Ils ont toujours relayé mes informations et que moi-même je relayais sur le blog Elodie, hein. Un blog où j'ai quand même pas loin de 10 000 adhérents. Vous voyez, que je tiens à remercier également, parce que après chaque interview, après chaque, j'ai de bonnes nouvelles. Ouais. Hein, vous voyez, lorsqu'on parle du livre de Catherine, par exemple, bah, les gens qui lisent, qui ont lu le livre, ils m'envoient des commentaires. Ils sont touchés par l'histoire. Ah ouais, ils sont touchés. Et puis ils me disent, bon, bah, c'est un très beau livre. Hein. C'est un très beau livre. Et justement, on parlait avec Catherine Siguré, vous l'avez, il est sorti l'an dernier. Donc vous avez commencé à l'écrire quand? Il est sorti en octobre. Oui. Et j'ai commencé à l'écrire en mars. Donc après les faits, finalement, après les enquêtes, est-ce que vous avez couvert cette affaire ou pas? Non, j'ai pas couvert. C'est intéressant comme démarche de débarquer dans une affaire comme ça. J'ai eu Jackie le dernier jour. Je l'ai appelé le dernier jour du verdict et je lui ai dit, est-ce que vous voulez faire un livre? Mais il fallait quand même que ce soit un peu derrière nous. Encore, on a eu le suspense de la cassation au mois de novembre. Mais moi, ce que je voulais justement, c'était que le livre ne soit pas que l'histoire d'un fait divers et d'un crime qui en tout dans le livre fait 2 pages en fait. C'est que ce soit l'histoire aussi d'une mobilisation citoyenne, d'une façon de se conduire vis-à-vis des institutions, de faire confiance aussi. Ouais. Parce que j'ai acquis par du principe que si on est trahi une fois sur 100, il vaut mieux avoir fait confiance 99 fois pour une trahison que de se méfier de tout le monde toute la vie, parce que c'est pas vivable. D'ailleurs, on a fini le récit en disant qu'il n'avait jamais perdu sa foi. Exactement. Dans la justice française. Exactement, dans la justice et dans les gens. C'est-à-dire que Jackie a véritablement généré un mouvement de solidarité autour de lui, et en plus qui sert aux autres, puisque toutes les victimes se tiennent la main. Enfin, je veux dire, il y a un tissu de, une énergie citoyenne et qui est aussi est illustrée par ces 20 ans qui se sont écoulés. C'est-à-dire que il y a 20 ans, les pétitions, c'était à la main, sur papier. Enfin, il faut se souvenir qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait tout. Bah pour ça, les réseaux sociaux, c'est bien. Et pour ça, les réseaux. Voilà. Et on explique assez en quoi ils peuvent avoir un rôle négatif, mais il y a aussi un rôle vertueux des réseaux sociaux, c'est de mobiliser les meilleures énergies et les bonnes volontés pour faire pression sur les pouvoirs publics, qui sinon peuvent rester très inertes. J'étais à un moment donné au procès à Amiens, j'ai été obligé de fermer le blog. Hein, on sentait la pression monter chez... J'ai dit, terminé, maintenant, on arrête, hein, je veux pas que ça déborde. Ouais. Oui, Jackie a appelé, c'est quand même extraordinaire d'avoir un père qui appelle sur les réseaux sociaux à la calme, au calme et à la modération. Enfin, je veux dire, c'est. Bien sûr, d'habitude, on entend des crises de vengeance. Complètement. Qui peuvent être, et qu'on ne doit pas juger d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas cette souffrance-là, nous, on ne peut pas la juger. Mais c'est vrai que c'est plus positif comme ça. Et ces marches blanches, ça vous a fait du bien, j'imagine. Ah oui, ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait autant de monde, autant d'empathie autour de moi. C'était vraiment c'est une preuve. Et puis ça comment dirais-je, ça me forçait à continuer. Et, ça vous encourageait. Ah ouais, ça m'encourageait. C'était vraiment de l'encouragement. Non, j'ai été honnêtement bien encouragé, autant par les gens sur le blog, hein, à qui je tiens à rendre hommage, que par les enquêteurs, que par les magistrats, que par les journalistes. Hein, ça a été, dès que je demandais quelque chose à un journal local, ça passait comme une lettre à la poste. Et là, on commence à mieux comprendre aussi pourquoi, au-delà de vos qualités intrinsèques, de courage, vous avez tenu, parce que vous étiez bien entouré, finalement. Exactement. Catherine Siguret, le gendarme, on va parler du gendarme qui a débloqué l'enquête, Emmanuel Femme-Ohaï, il a utilisé la technique de l'ADN par parentèle, c'était une idée géniale, parce que c'était audacieux à l'époque. Hein. Alors c'est une idée géniale, mais c'est un gendarme qui a un parcours un peu particulier, il est fils d'un médecin et d'une infirmière, je l'ai longuement interviewé, et en fait cette culture médicale, il a un esprit de chercheur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un certain état d'esprit, que tous n'ont pas forcément, et puis on va avoir d'autres qualités, mais lui c'est vraiment quelqu'un qui est complètement passionné, et en fait comme il trouvait pas, effectivement il se disait soit il est mort, soit et la seule solution c'était l'ADN par parentèle, dont il savait l'existence par un collègue américain. Et c'est là qu'il lui a demandé, sauf que c'était là où ils ont été très très audacieux, le gendarme et le juge d'instruction, c'est qu'il n'était pas dans les textes, cet ADN par parentèle, il n'y avait pas le droit de le faire. Mais et c'est là qu'on voit que désobéir à la loi, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, est parfois positif. Toute dernière chose, Jackie Kulik, il reste quelques secondes, mais quel souvenir fort vous gardez du procès? Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous y pensez, quand on vous fait penser au procès? La sentence. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Soulagement. Ouais. Voilà, c'était... Justice est rendue, quoi. Voilà, je me suis dit, pardon, maintenant, Tom Mélon, c'est la prison. Ouais. Voilà, c'est... Bon, et... Je vous souhaite longue vie en prison. Mais en prison. Ce sera le mot de la fin, Jackie Kulik, et je renvoie nos auditeurs à la lecture de ce livre excellent, effectivement, de Catherine Siguret, l'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père, aux Presses de la Cité. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Élodie Kulik, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Marie Potier.